C'est la fête au Brésil, c'est la fête au Mexico, c'est la fête à Kinshasa, c'est la fête au Burundi, c'est la fête partout, tu vois, c'est la fête. C'est la fête à Libreville, c'est la fête à Fukushima, c'est la fête à Tchernobyl, c'est la fête à Sydney, c'est la fête au Paraguay, c'est la fête à Kimato, c'est la fête à Gambi, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête en Tanzanie, c'est la fête à Soweto, c'est la fête à Astana, c'est la fête à Nea, c'est la fête à Angola, c'est la fête aux Philippines, c'est la fête en Alaska, c'est la fête en Bolivie, et même en Chili. C'est la fête à Iberia, c'est la fête au Panama, c'est la fête au Sri Lanka, c'est la fête en Albanie, c'est la fête en Slovaquie, c'est la fête en Roumanie, c'est la fête à Varsovie, c'est la fête au Nigeria, c'est la fête au Liberia, c'est la fête au Dakar, c'est la fête à Nice, on est dans le froid de la Sibérie, dans le chaud du Congo, on est pas les îles sur ces continents. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête de Palestine, c'est la fête en Jordanie, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête de l'océan, c'est la fête de l'Atlantique, c'est la fête de l'Atlantique, Angola, Angola, Angola, Angola,